Bhagavad Gita. Chant 11. La vision de la forme cosmique. Arjuna dit : Par compassion pour moi, tu m'as révélé le suprême secret concernant le soi, et grâce à tes paroles, mon égarement s'est dissipé. J'ai écouté ce que tu m'as expliqué en détail sur l'origine et la destruction des êtres, et aussi sur ta grandeur infinie, cher Krishna, dont les yeux ont la forme de pétales de lotus. Ainsi, ô suprême Seigneur, tu as fait cette description de toi et je désire à présent voir ta forme divine. Cher Krishna, si tu penses qu'il est possible pour moi de la voir, montre-moi ta forme impérissable. Le Seigneur suprême dit : Contemple, cher Arjuna, les centaines de milliers d'aspects divins qui sont les miens, de couleurs et de formes différentes. Contemple les Adityas, les Vasu, les Rudras, les Asvins et aussi les Maruts. Vois toutes ces merveilles qui n'ont jamais été vues auparavant. Maintenant, contemple l'univers entier, l'animé comme l'inerte, et aussi tout ce que tu désires voir, rassemblé ici, dans mon corps. Mais tu ne peux me contempler avec tes yeux humains. Je te donne la vision divine. Contemple mon yoga suprême. Sanjaya dit : Sur ces mots, ô roi, le grand seigneur du yoga, Hari, montra à Arjuna sa forme suprême, celle du souverain de l'univers. Il montra sa forme pourvue d'innombrables bouches et yeux et d'une multitude de signes merveilleux, ornés de nombreux joyaux divins, brandissant un grand nombre d'armes divines. Portant des guirlandes et des vêtements célestes, ointes de parfums divins, en toute merveilleuse, infinie, tournant son visage de tous côtés. Si la splendeur de 1000 soleils étincelait soudain dans le ciel, elle serait comparable à celle de ce grand être. Là, dans le corps du Dieu des dieux, Arjuna vit alors l'univers entier rassemblé, avec toutes ses innombrables parties. Alors, Dhananjaya, empli d'émerveillement, les cheveux dressés sur la tête, se courba devant le Seigneur et les mains jointes, parla ainsi. Arjuna dit : Je vois tous les dieux, ô Dieu, et aussi une multitude d'êtres divers. Je vois Brahma, le Créateur, assis sur le lotus, tous les sages et les serpents divins. Je te vois partout, en ta forme infinie, avec d'innombrables bras, ventre, bouche et tous tes yeux. Je n'en vois ni la fin, ni le milieu, ni le début, ô Seigneur de l'univers. Ô forme cosmique. Je te vois arborant un diadème, portant la massue et le disque, resplendissant de toutes parts comme une masse de lumière, d'un éclat difficile à soutenir, flamboyant comme le feu et comme le soleil, incommensurable. Tu es l'impérissable, l'être suprême qu'il faut réaliser. Tu es le support de cet univers. Tu es le protecteur indestructible du Dharma éternel. Tu es le Purusha éternel. Telle est ma conviction. Je te vois sans début, ni milieu, ni fin, avec une puissance infinie, avec des bras innombrables. Le soleil et la lune sont tes yeux. Le feu brûlant est ta bouche, échauffant l'univers de ton éclat. L'espace entre la terre et le ciel et tous les points cardinaux est empli par toi seul. En voyant ta forme merveilleuse et terrifiante, les mondes tremblent de peur, cher Krishna. Vraiment, des légions de devas entrent en toi. Certains, dans leur frayeur, chantent tes louanges, les mains jointes. Des rassemblements de grands sages, des rishis, et d'hommes parfaits, des siddhas, s'écrient « Que le bien soit » et te célèbrent par des hymnes sublimes. Les rudras, les adityas, les vasus, les sadhyas, les visvadevas, les deux asvins, les maruts, les âmes des ancêtres, les légions de musiciens célestes, les yakshas, les démons et les êtres parfaits, tous te regardent et sont émerveillés. Ô cher Krishna, en voyant ta forme incommensurable, avec d'innombrables yeux et bouches, d'innombrables bras, cuisses, pieds, ventres, et effrayante avec ses multiples dents, les mondes sont terrifiés, et moi aussi. En voyant ta forme toucher le ciel, resplendir de multiples couleurs, bouches grandes ouvertes, avec des yeux immenses et terrifiants, je suis épouvanté au plus profond de moi-même et ne trouve ni courage, ni paix, ô Vishnu. Voyant tes bouches terrifiantes et tes dents flamboyant comme le feu du déluge cosmique, je ne sais plus où sont les points cardinaux et j'ai perdu toute paix. Accorde-moi ta grâce, ô Seigneur des dieux, ô demeure de l'univers. Tous les fils de Dhritarashtra, les nombreux rois de la terre, Bhisma, Drona et Kama, le fils d'un conducteur de chars, ainsi que les principaux guerriers de notre armée, se précipitent dans tes bouches, épouvantables avec leurs dents effrayantes. On en voit certains suspendus entre tes dents, leur tête broyée. En vérité, comme les flots impétueux de nombreuses rivières courent vers l'océan, ces héros du monde des hommes entrent dans tes bouches flamboyantes. Comme les papillons de nuit se jettent dans les flammes pour y périr, toutes ces créatures se précipitent dans tes bouches pour leur propre destruction. De tes bouches embrasées, tu dévores tous les mondes en te pourléchant. Tes rayons brûlants, emplissant l'univers entier de leur ardent éclat, le brûlent, ô Vishnu. Dis-moi, qui es-tu, toi dont l'apparence est si terrifiante? Je te salue, ô Seigneur suprême. Accorde-moi ta grâce. Je désire te connaître, toi, l'être primordial, car je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Le Seigneur suprême dit: je suis le temps destructeur de l'univers, maintenant engagé dans l'annihilation des mondes. même sans toi, aucun des guerriers présents parmi les rangs ennemis ne vivra. Par conséquent, lève-toi, cher Arjuna, et conquiers la gloire. Vainc les ennemis et jouis d'un royaume prospère. Vraiment, ils ont déjà été détruits par moi. Sois simplement un instrument de cette victoire. Ô toi, l'archer à l'habile main gauche. Drona, Bhisma, Jayadrata, Kama et d'autres guerriers valeureux ont tous été déjà tués par moi. Ne crains rien et frappe. Combat et tu conquerras tes ennemis dans la bataille. Sanjaya dit, après avoir entendu les paroles de Kesava, le prince couronné d'un diadème, les mains jointes, tremblant et prosterné, s'adressa de nouveau à Krishna, d'une voix altérée, s'inclinant et submergé de peur. Arjuna dit, il est juste, ô Rishikesha, que le monde se réjouisse et trouve sa joie dans tes louanges. Les démons épouvantés s'enfuient dans toutes les directions, et les légions d'êtres parfaits, les Siddhas, se prosternent devant toi. Et comment ne se prosterneraient-ils pas devant toi, ô Krishna, toi qui es plus grand que tout, toi qui es la cause primordiale, même de Brahma le Créateur. Tu es l'impérissable, ce qui est au-delà à la fois du manifesté et du non-manifesté. Tu es le Dieu primordial, l'être ancien, le Purusha. Tu es le refuge suprême de cet univers. Tu es celui qui connaît et ce qui doit être connu. Tu es la demeure suprême. Cet univers est pénétré par toi, cher Krishna. Tu es Vayu, Yama, Agni, Varuna, la lune, Prajapati, et de tous, tu es l'aïeul. Salutations, salutations à toi mille fois, encore et encore, salutations à toi. Salutations à toi, salutations que j'adresse devant et derrière moi et de tous côtés. Ô toi qui es le tout, infini en pouvoir et en force, qui pénètre tout, ainsi tu es véritablement la totalité. Quoi que j'ai pu dire sans réfléchir, par inconscience ou par affection, t'appelant Krishna, Yadava, ami, te considérant seulement comme un compagnon, ignorant ta grandeur, quelle que soit la façon dont j'ai pu te manquer de respect en plaisantant, pendant les moments de jeu, de repos, ou pendant un repas, seul ou en compagnie, ô Krishna, je te supplie de me le pardonner, ô toi qui es incommensurable. Tu es le père de ce monde, animé et inerte. Tu dois être adoré par ce monde. Tu es le plus grand maître spirituel, et il n'en existe pas un qui puisse t'égaler. Qui pourrait te surpasser dans les trois mondes? Ô cher Krishna, toi dont la grandeur est inégalable. Alors, m'inclinant et me prosternant devant toi, j'implore ton pardon, adorable Seigneur. Comme un père pardonne à son fils, un ami à son ami, un amant à son aimé, tu dois aussi me pardonner, ô Dieu. Je suis heureux de voir ce qui n'a jamais été vu auparavant. Pourtant, je suis empli de peur et de détresse. Apparais-moi dans ta forme précédente, ô Krishna, Aie pitié, ô Dieu des dieux, ô demeure de l'univers. Je désire te voir comme avant, couronné du diadème, la massue et le disque dans les mains, dans ta forme précédente seulement, avec ses quatre bras. Ô toi qui as mille bras, ô forme universelle. Le Seigneur suprême dit : Par ma grâce, cher Arjuna, et par mon pouvoir yogique, cette forme suprême t'a été montrée. Cette forme resplendissante, primordiale, infinie, cette forme universelle n'a jamais été vue par quiconque avant toi. Ni l'étude des Védas, ni les sacrifices, ni les dons, ni les rituels, ni les sévères austérités ne permettent à quiconque de voir cette forme dans le monde des hommes, à part toi, cher Arjuna. N'aie pas peur, ne sois pas déconcerté par ma forme si terrible. Que ta peur se dissipe, que ton cœur se réjouisse. Contemple maintenant mon autre forme. Sanjaya dit : Ayant ainsi parlé à Arjuna, Vasudeva de nouveau montra sa forme habituelle, et le grand être, assumant sa forme douce, le rassura, lui qui était si effrayé. Arjuna dit : En revoyant ta forme humaine et douce, ô Janardana, je suis apaisé et je reviens à moi. Le Seigneur suprême dit : Il est vraiment difficile de contempler cette forme que tu as vue. Même les dieux aspirent encore à cette vision. Ni par les Védas, ni par l'austérité, ni par la charité, ni par les sacrifices, on ne peut me voir en cette forme que tu as contemplée dans ta condition mentale actuelle. Mais, par une dévotion exclusive, on peut me connaître sous cette forme, me voir en réalité et pénétrer en mon être, cher Arjuna. Celui qui accomplit les actions pour moi, qui me considère comme le suprême, qui m'est consacré, qui est libre de l'attachement, qui n'a d'hostilité envers personne, vient à moi. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 11e enseignement intitulé « Le yoga de la vision de la forme cosmique ».